Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Karim Duval. Salut Karim, comment tu vas ? Salut Sofiane, ça va ? Ah, ça va super, merci et toi ? Bah, très bien. Écoute, on n'est pas loin de la réouverture des théâtres, on n'y croit pas. Moi je pense tant que j'ai pas entendu des rires de gens dans une salle, tant que j'ai pas salué, je crois que j'y croirais pas. Mais non, ça fait ça notre vraie galère en ce moment. Elle est tellement longue que c'est plus une galère, ça s'appelle juste la vie quoi. Exactement, bah là en ce moment c'est notre vie à tous et on a hâte de revenir, ça c'est clair. Galérien en CDI. Oh bah là ouais, là le CDI il est assuré, renouvelé automatiquement sans problème, voilà. Tu fais de l'humour depuis très longtemps toi je crois. Pas de l'humour, j'en fais depuis que je suis né j'espère, parce que je pense qu'on en fait tous. Après de l'humour professionnel, tiens, quoi, ouais. J'ai l'impression d'être un menuisier quand je dis ça. Ça va faire 10 ans cette année que je suis humoriste à plein temps, on va dire que je me dédie pleinement au métier de l'humour, donc pas que à écrire des blagues, j'aimerais bien ne faire que ça. Je crois que c'est un peu le graal pour un humoriste, c'est de pouvoir et d'un artiste d'ailleurs, tout simplement, se consacrer que à sa passion, c'est-à-dire que écrire et jouer, mais en réalité, c'est pas que ça, quoi. Ouais, il y a l'envers du décor qui est cool aussi. Ouais. Enfin, on se dit que le chemin est beau. Ah ben, mais donc, du coup, ouais, ça fait 10 ans que je suis dans le. Voilà, que je me consacre à essayer d'avoir une vie d'artiste qui ressemble à une vie d'artiste. Et donc, non, c'est cool. Et ouais, comme tu le dis, c'est toute une vie, en fait. La vie d'artiste, en fait, c'est vraiment un ensemble de choses. C'est pas que monter sur scène, c'est aussi souffrir. En ayant le syndrome de la page blanche, c'est monter sur scène devant des publics différents, dans des ambiances différentes, dans des villes, des fois des pays différents, et galérer et avoir justement des galères à raconter dans ce podcast. Donc j'imagine qu'en 10 ans, tu dois en avoir quelques-unes, tu dois avoir des pépites. Ouais, il y en a quelques-unes, bien sûr, il y a quelques pépites. Ouais, tu m'aideras à creuser dans ma mémoire, mais ouais, non, mais c'est clair que, en tout cas, ouais, je crois qu'on est un peu maso, hein. On le cherche un peu la loose en fait, je crois. Je crois que même on a tous des moments de gloire. Je crois que tous les humoristes un jour ou un autre ont joué dans une belle salle, bien sûr, avec du monde. Moi, ça m'arrivait en toute modestie, ça m'arrivait souvent, mais c'est pas la vie de tous les jours. Mais je crois qu'on a besoin de toujours retourner à la cave. On vit, c'est là qu'on vit les vrais trucs, en fait. Voilà, oui, je veux dire, on se challenge à chaque fois, parce que quand on s'installe dans une routine, tu vois, c'est vraiment pas ça qui nous fait avancer, quoi. Ouais, non, mais je pense que autant l'humoriste, quand il est en galère, c'est-à-dire une grande partie de sa carrière, il en vit le succès, autant je pense que les mecs qui ont du succès et qui n'ont pas d'autre choix que jouer dans des zéniths ou des 2000 places, ils doivent un peu nous envier aussi. D'ailleurs, il y en a plein qui reviennent à ça, qui vont jouer dans les comédies clubs et tout. Mmh. C'est là que ça frotte, c'est là qu'on se sent vrai, on se sent vivant, quoi. Moi, je trouve que c'est beau de leur part, tu vois. Moi, j'ai vu des personnes comme Kev Adams, comme Gad Elmaleh et tout, qui remontaient sur scène dans des sous-sols et tout, tu vois, dans des trucs comme ça. Et c'est super intéressant de se dire que ce sont des gens qui remettent leur titre un petit peu en jeu à chaque fois, parce que c'est du public qui ne les attend pas. Donc, eux, ils vont là-bas et puis ils sont obligés de relever un petit peu le défi, relever le challenge. Et je trouve ça beau. Et quelque part, c'est un petit peu ce truc que tu disais, tu vois, d'être maso, de se remettre un petit peu en danger et tout. Je pense que c'est ça aussi qu'ils recherchent, parce que quand tu joues que dans des zéniths, évidemment, c'est kiffant de jouer dans des zéniths, mais je veux dire, tu as pas le même plaisir que d'aller séduire une foule qui ne t'attend pas, qui ne te connaît pas. Là, qui rigole parce que vraiment, t'es marrant. Et je ne dis pas qu'ils ne sont pas drôles. Je dis juste qu'ils ont, et j'ai déjà entendu des interviews de l'un ou l'autre, qui disent voilà, ils sont pas sûrs à 100% que les gens leur accordent contribuent à un succès, enfin qu'ils ont du succès parce qu'ils sont bons. Mais peut-être parce qu'ils sont célèbres, tu vois. Donc, c'est tout à leur honneur, hein, d'être célèbres, parce qu'ils sont à leur place. Mais, je pense qu'ils sont en quête d'honnêteté. Mais bon, voilà, tu vois, Gad, il a été joué en anglais aux États-Unis pour ça. Ouais, maintenant, il a eu du succès là-bas, donc je sais pas comment il va faire. Il va devoir aller jouer en Birmanie ou je sais pas où pour passer incognito avec une moustache ou je sais pas. Mais, moi, c'est exactement ce que j'allais te dire, tu vois. Moi, j'ai pas ce genre de problème. Ouais, toi, ça va cool. Ouais, ça va, j'ai pas de problème comme ça. Donc, où que j'aille, on me découvre. C'est ouais, ça. Non, ouais. L'avantage que j'ai, moi, c'est que là où je suis, j'ai l'impression de recommencer en anglais aux États-Unis, donc ça va. C'est ça, c'est toujours l'Amérique. Oui. Bah après, je pense que de plus en plus, les gens doivent te connaître, surtout sur Lyon, qui est ta ville d'origine, si je dis pas de bêtises. Oui, après, honnêtement, on me reconnaît de plus en plus dans la rue, c'est marrant, mais dans mon quartier ou dans... mais pas genre dans les commerces. Hein. On me, ouais, parce que c'est Internet qui fait que des fois il y a des vidéos qui font le buzz, donc on te reconnaît. Mais globalement, quand j'arrive dans une salle, t'as quand même une bonne grosse moitié ou plus qui est là parce qu'ils se sont dit, et là je pense que ça va arriver encore plus dans les semaines à venir avec la reprise, c'est que les gens se disent, bah tiens, et si on faisait une soirée humour ce soir, et on verra ce qu'il y aura, quoi. Mais tu comptes autant que ce qu'il y a dans l'assiette, tu vois. C'est vrai, C'est-à-dire c'est que vrai. ah, tiens, on va aller regarder un humour, puis wow, au pire, c'est sympa, un plateau de charcuterie, un truc à boire, tu vois. Donc il faut t'es... Voilà, en fait, je pense qu'être humoriste, c'est faire un peu le vœu, une espèce de vœu de pauvreté. Je pense que c'est une espèce de admettre que quelque part, tu peux valoir une tapasse. Ouais, Mais c'est déjà après, c'est tout à ton honneur d'inverser la vapeur et de montrer que tu vaux plus qu'une tapasse. Et que peut-être c'est d'accord. une tapasse qui s'est fait rire et qui réfléchit. Ben oui, ben c'est beau. Et puis des fois, malheureusement, la tapasse a plus de valeur que toi. Ça Mais arrive. ça, c'est que tu l'as cherché ou que t'as pas assez bossé ou que t'as pas eu de chance ou Ah que ouais, ou t'as pas assez que, de voilà, métier ou... ouais, c'est ça. Ou que, par exemple, je sais pas moi, le mec d'avant a mis une mauvaise ambiance, le public a Ouais. trop chaud, trop froid, Ouais, t'es voilà. passé après Et une tapasse périmée, ouais. Ouais, oui, ou... aussi, ouais, c'est ça. Les tapas périmés, on n'en parle pas assez. J'avoue que c'est un problème Périmée, de pas bol, société. une pizza hawaïenne ou... Veux-tu Ou un vraiment chips lancer ce insipide. débat? Mais Veux-tu on ne donne vraiment pas de nom. savoir? C'est ça qui est super, c'est que tu vois, par métaphore, on ne bitch pas sur les collègues. Non, non, en plus, moi, je suis hyper bienveillant envers les gens qui se prennent des bides avant, après. Bien sûr. Parce que bah, après, souvent, c'est les gens qui débutent. On n'est jamais à l'abri d'un bide, hein, j'en prends encore, bien sûr. Et c'est souvent les gens qui débutent qui en prennent, mais c'est normal, quoi. Après, bah, les gens le vivent comme un drame sur le moment, mais après, Ah ils ben en ça fait rigolent. mal. Bah oui, après on veut en rire. Et justement, en parlant de bide, toi, est-ce qu'il y a un bide qui t'a marqué vraiment, peut-être ton premier bide ou je sais pas. Ouais, mon premier bide. Alors, j'ai eu la chance déjà de ne pas avoir de bide la toute première fois que je suis monté sur scène. Ça, c'est important parce que, imagine, tu prends un bide la toute première fois, un méchant bide, ça peut tout de suite dire, te faire dire, bah, j'arrête, tu vois. Ben, Alors il y que a ce que des je faisais était nul, hein, vraiment. mmh. Mais j'ai eu la chance qu'il y ait une espèce d'un, tu vois, de rencontre entre l'époque de l'époque, entre mon humour, le public, et donc il y a eu des rires ce jour-là. Mais par contre, ça te met en confiance de ouf. Du coup, tu te dis, bah, c'est bon, je vais retourner, c'est facile. Et donc, tu écris le nouveau sketch ou tu rejoues les mêmes sketchs en disant, bah, de toute façon, elle marchera, elle a marché. Et au bout de 3 fois, tu te rends compte que 3, c'est pas une... tu fais pas des statistiques avec 3. Et là, moi, j'avais donc, je me suis pris un bide assez vite, en fait. C'était, alors, les conditions n'étaient pas faciles. J'y jouais, tu sais, au début, on te propose toujours des plans un peu galères et tu es très convoité par les associations. Alors, tu es convoité par les associations, soit quand tu deviens célèbre, j'imagine, soit quand tu coûtes pas cher et qu'il va de soi que tu joues gratuitement. J'ai rien contre le fait de soutenir des associations, j'en soutiens. Et il m'arrive de jouer bénévolement, mais au début, tu joues beaucoup bénévolement. Et donc, il y a une association de lutte contre une maladie grave qui me dit, bah, écoute, on sait que ta sœur habite vers Perpignan. Viens, tu seras l'humoriste star. Ils avaient vu une vidéo de moi vaguement à l'époque, mal tournée, tout ça. Non, mais viens, génial, on a besoin de mettre de la bonne humeur. Voilà, parce qu'on parle de choses graves, etc. Viens. Et donc, j'y vais. Et ils me disent, ça se passe au centre de Perpignan. Et je me rappelle plus le nom exact, mais en fait, c'était une ancienne cathédrale. Donc, une cathédrale, c'est très haut de plafond. Et Ouais. ça, au niveau acoustique, c'est pas l'idéal, quoi, tu vois. C'est-à-dire que ça n'a pas été calculé pour faire du stand-up, une cathédrale. Tu fais des mariages, peut-être, mais le moment le plus relou d'un mariage, tu vois. Ouais. Ou des enterrements, mais pas des soirées stand-up, quoi. À Oui, l'époque, je ne je. faisais pas du stand-up, donc je ne parlais pas au public directement. J'avais très peu d'expérience, donc je me rangeais derrière un texte, des personnages, et je m'interdisais de sortir. Et en plus de ça, en fait, c'était un dîner-spectacle. Enfin, c'était un dîner dans lequel ils avaient imaginé qu'ils mettraient un humoriste. J'étais vraiment un élément du décor. C'est-à-dire qu'ils avaient mis une toute petite estrade, loin du public. Et ils m'avaient mis les micros, tu sais, les gros micros noirs, casque, tu vois, Oui, oui, oui. tu mets bah, que certains mettent en visio, enfin, des micros de pilote de ligne quelque part. Mais c'était un micro derrière lequel j'étais caché presque. J'avais l'impression d'être derrière un buisson et heureusement. Et j'ai joué d'une traite 30 minutes de spectacle avec des personnages et tout. Et c'était des personnages à l'époque très agités, avec des accents, avec beaucoup de gestuels et tout ça. Je jouais au milieu des gens qui mangeaient. Ils étaient en ligne sur des tables, de grandes tablées comme ça, donc la moitié me tournait le dos. Et si tu veux, ils n'ont même pas fait l'effort d'arrêter et de se retourner. En fait, ils continuaient à manger. Et devant moi, il y avait l'équipe de rugby de Perpignan, qui était les vraies stars de l'événement. En fait, les gens étaient venus les voir eux, et les rugbymen, ils n'ont pas une super hygiène de vie, quoi. Donc, là, clairement, ils se faisaient plaisir et c'était pas les blagues qui égayaient leur vie. Donc, il y avait ça, des enfants qui jouent au foot et tout. Et il y avait juste ma sœur et son mari qui étaient venus me porter secours. Et donc, j'ai joué en les regardant. J'ai pas eu un seul rire. Mais c'était même pas, j'ai même pas eu de bide, en fait. C'est-à-dire que c'est un moment de, t'es dans une bulle. Ouais. Et dans ces moments-là, tu te dis vraiment que t'es pas au bon endroit de la Terre, quoi. C'est-à-dire que tu te dis, à 20 mètres près, j'étais en dehors de cette cathédrale, dans le sud de la France, à Perpignan, au centre-ville, un lieu charmant. Et à 20 mètres près, je suis dans ce truc-là. Et vraiment, je subis ma vie, quoi. J'étais encore ingénieur à l'époque. Je faisais ça, tu vois, en bénévole et à côté de mon job d'ingénieur. Et là, je me suis dit, ouais, bah, j'envisageais pas de le faire de manière à temps plein. Et c'est pas un événement qui m'a poussé dans le sens d'une professionnalisation. Je me suis dit, non, non, c'est bien, t'es Ingénieur, c'est ingénieur. bien. Là, et Ingénieur, tu te rattaches, en fait, tu te rattaches à ce que tu as et ce que tu es, tu vois. Mais aujourd'hui encore, tu vois, tu te rattaches à ton parcours, à ton histoire, et tu vas puiser dans tes forces, ce qui fait ton identité en tant qu'artiste. Bah, à l'époque, mon identité en tant qu'artiste, c'était tout sauf l'artiste, quoi. Et c'est bien. donc, ce jour-là, je me suis dit, non, non, c'est cool, t'as un bon poste, une bonne paye, et c'est ça la vérité. Et là, tu es juste là par erreur. Et bon, heureusement, il y a eu des événements plus heureux après qui ont fait que je me suis accroché et que je me suis posé la question 3 ans après pour me dire, bah tiens, si tu faisais que ça. Et bon, c'était vraiment mon premier beat, je pense. Ouais. D'accord. Bah après, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas vraiment un bide, parce qu'un vrai bide, c'est quand les Ah. gens ne mangent pas, ils t'accordent Ouais. toute leur Ils attention. t'accordent toute leur écoute et ça ne prend pas. Et ça ne prend pas. Ça, c'est un bide. Mais là, toi, non. Là, soit c'est juste qu'ils ne t'écoutaient pas, c'est tout. Ouais, c'était un moment horrible. Ouais. Un bide. Alors, en toute modestie, j'avais pris de bide absolu, c'est-à-dire le calme plat, jamais. Il y a eu des dates très décevantes, c'est-à-dire des dates où ça riait timidement. Une date plus récente, tu vois, pour pas dire que c'est collé à l'expérience, mais c'est aussi parce que ça peut être intéressant pour les humoristes. Mais je trouve qu'en ce moment, l'humour, il se spécialise un petit peu. Oui. Et je vais pas mentir, le mien est un petit peu spécialisé. C'est vrai que naturellement, je fais rire un peu du fait de mon parcours, justement. Je fais pas mal rire les cadres. Moi, je suis humoriste sur LinkedIn. Pas des vidéos sur Insta, ben j'en fais, je les mets, mais là où elles sont le plus vues, c'est sur LinkedIn. Donc c'est vrai que j'ai quand même un public très urbain, très cadre, qui parle un peu de la langue digitale et qui manipule les acronymes. Et je me moque beaucoup de ça, pas que, mais en tout cas, quand tu vas à la campagne après, tu parles pas forcément à tout le public présent. Et je suis allé jouer à Montceau-les-Mines ben un peu avant le Covid. Donc c'est Ouais. les dates, en fait, c'est les dates en session, c'est les dates que tu joues dans des bleds. Et en général, plus il y a de traits d'union dans le nom du bled, plus la salle est grande et plus elle est belle, tu vois. Donc, et mieux t'es payé. Donc, c'est des dates, en général, tu les fais. Alors, vraiment, j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup jouer dans les bleds et c'est un vrai challenge. Et je dois avouer que sur mon premier spectacle, pour le coup, ça marchait mieux parce que c'était un spectacle un peu plus universel avec plus de clichés, plus de personnages, etc. Ça parlait de métissage. Et là, celui-là, il parle beaucoup des problématiques du trentenaire, mais plus du trentenaire urbain. Donc, quand tu te retrouves à Montceau-les-Mines à parler de reconversion professionnelle, de la banque à métier de boulanger, à des retraités de l'usine ou des mines de Montceau-les-Mines, ben, les gens, ça leur parle pas, en fait, ils comprennent pas. Et donc, je me suis retrouvé dans une salle immense, c'est 900 places, il n'y avait pas 900 personnes, parce que déjà, je pense que mon nom attirait moins, quoi, je passe pas à la télé. Et par contre, les gens étaient bien, bien à l'écoute, là. Donc, et il y a eu des gros, gros pans de mon spectacle qui sont complètement passés à la trappe. Et dans ces cas-là, tu te dis, mais qui je suis? Et là, c'est, enfin, avec la maturité, tu le vis bien, le beat. Tu te dis, mais c'est cool. Et je suis en train de comprendre que je me suis spécialisé. Je suis en train de comprendre qui je suis et je suis peut-être pas capable de faire rire tout le monde, tout le temps, partout. Et c'est pas très D'accord. grave. Mais Ouais. Bah, je pense que tu as raison. En fait, l'expérience n'empêche pas d'avoir des bides, de ouais. subir ça, mais par contre, elle permet de mieux les vivre. Ouais, c'est ça. Après, en fait, tant que tu arrives à te... Enfin, après, ça dépend comment tu es, mais quand tu arrives à te l'expliquer, ça va. Donc, tu vois, si bah, tu dis, bah oui, en fait, c'est vrai que je parle pas le même langage, quoi. C'est comme si j'allais faire des blagues en Pologne, je pense que je ne marcherais pas. Mais bah, là, c'est Montceau-les-Mines, c'est un peu la Pologne, mais en France. Et donc, non, non, mais il y a eu de bonnes séquences dans ce spectacle, Montceau-les-Mines, mais il y a eu de gros boulevards. Mais je me l'expliquais, donc ça. Après, t'as les bides aussi où tu sais pas pourquoi ça marche pas. C'est-à-dire que. Ça cartonne, tu joues des bonnes vannes. Il y a des gens qui rient à tes vannes, mais c'est disparate, tu vois. Et tu sais pas. Et dans ces moments-là, c'est long. Parce que là, tu sais pas. Tu sais pas, tu sors et tu sais même pas dire si c'était affreux ou pas. Tu sors, tu sais pas en fait. Il n'y a pas d'excuse. Enfin, je parle même pas d'excuse, mais il n'y a pas d'explication. Moi qui suis plutôt rationnel, j'aime bien avoir l'explication à ce Ouais, qui se mais passe. t'as le bénéfice du doute derrière, parce que des fois, tu joues dans des salles où les gens ne sont pas très expressifs, et quand tu leur demandes, ils te disent c'était génialissime. Et il y a des endroits où tu vas jouer, les gens rigolent de bon cœur et tout, tu Ah vois. ouais. Ça fait pas une standing à la fin, mais genre, ça rigole de bon cœur. Et à la fin, les gens, ils vont dire, ouais, c'était pas mal. Ouais. Et puis t'as les gens où tu as l'impression de te prendre un bide, ça m'est arrivé aussi. Et tu sors et les gens ils te disent, mais j'ai ri à gorge déployée et tu les as pas vus. Tu les as même vus faire la tronche. Parce que même les jours où tu cartonnes, faut pas se mentir. Même les jours où tu retournes la salle, si tu regardes les gens un par un, t'en as toujours un qui décroche pas un rire, quoi. Même pas un sourire. Et des fois, c'est cette personne qui vient te voir et qui te dit, mais j'ai ri, c'était brillant et tout. Tu dis, mais tu rigoles avec quoi? Avec ton foie, quoi. Et ouais, ça c'est pas cool quand la majorité des gens sont comme ça. Et des fois, c'est un concours de circonstances. Les gens passent une mauvaise journée ou quelqu'un qui sent pas bon ou juste, c'est juste des gens pas expressifs qui sont peut-être pas donné le mot parce qu'ils sont pas du genre à se parler entre eux. Mais ils sont tous venus ce jour-là, quoi. Et la Ben, moi mayonnaise prend pas, quoi. Tu sais, des fois, tu rates ta vinaigrette. Tu sais pas pourquoi. Tu as fait les choses dans le même ordre. Et c'est comme ça. C'est comme ça, mais tu apprends à l'apprécier parce que tu apprends à. C'est aussi là que tu te dis, bah, notre métier, c'est pas des recettes. Il n'y a jamais une certitude et c'est pour ça que tu as envie d'y retourner chaque soir, que ce soit bien ou pas. Tu as juste hâte de retrouver les sensations de la veille si elles ont été bonnes. Tu as juste hâte d'avoir l'impression de maîtriser quelque chose pour rectifier le tir par rapport à la veille, alors qu'en fait, c'est balle neuve. Le public, il est neuf et c'est pas du tout le même que la veille et tu peux cartonner comme tu peux faire une date moyenne. Sans aucun souci, quoi. Mais bon, c'est ça la vraie galère, mais la bonne galère, quoi. C'est-à-dire que Ouais, c'est le la galère frisson du spectacle vivant, quoi. C'est est-ce qui que fait ça va grandir, continuer? qui fait que tu te questionnes, que tu grandis. Et mine de rien, au début, tu te dis, bah, c'est un peu le hasard, ça tient qu'au public. Et puis, mine de rien, tu commences à te dire, en fait, c'est pas qu'une question de hasard de public. Il y a aussi une part de voilà, mûrir et te dire, bah, tiens, avec le recul, je regarde cette blague que je faisais il y a 5 ans, et vraiment, elle était mauvaise. C'est juste que, bah, quand la blague avait un mois, je la trouvais encore très bonne et j'arrivais pas à m'avouer ni à comprendre qu'elle n'était pas bonne, quoi. Et depuis l'époque, les gens, les petits bides, les micro-bides dans un spectacle sur cette blague de temps en temps, une fois sur trois, deux fois sur trois, font que tu comprends, commences à comprendre, tu vois, comme ce gars qui t'explique que t'es relou, quoi. Mais il t'explique à hauteur de blague, à hauteur de sketch ou à hauteur de spectacle. Ça dépend du niveau, mais ça dépend aussi de. Moi, je suis un grand prudent. Donc, je me protège. C'est-à-dire que j'essaye de blinder. J'ai toujours des trucs qui marchent, qui généralement marchent, et qui me sécurisent un petit peu et sur lesquels je viens greffer des trucs. Mais il y a des fois où t'es. Non, quand tu testes un nouveau spectacle, je suis à mon deuxième spectacle, donc je suis passé par la phase où j'ai rodé de nouvelles choses neuves, neuves. Mais bon, tu as un peu plus d'expérience, donc tu sais déjà ce qu'il faut faire, enfin, ce que tu peux proposer, ce qu'il faut surtout pas faire, quoi. D'accord. Ouais, bah, en fait, tu vas te remettre en question et puis savoir ce qui cloche, tout ça. Plus tu avances dans l'expérience, plus je pense que tu as des réponses qui viennent pour quand tu cherches une explication sur pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, quoi. Ouais, c'est plus ça. T'as plus des pistes sur pourquoi ça n'a pas marché. Tu sais pas, tu peux pas garantir à 100% que ça va marcher. Mais quand ça marche pas, tu arrives de plus en plus à te l'expliquer. Et c'est déjà beaucoup. C'est la part de ton pote qui te dit la vérité, qui te dit ça. Non, non, non, faut pas. Tu peux, hein. Mais franchement, non, quoi. Et je me rappelle, si, on me demande qu'à en rire, grand bide. Ah ouais, tiens, ça me revient. Ah, Euh, d'accord. j'avais, j'avais fait quatre passages, dont le premier est très très bancal. J'avais fait rentrer un sketch de mon spectacle sur un sujet qui avait rien à voir. Donc ça sentait le truc faux et donc tout le monde était là, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais bon, il m'avait donné ma chance. Deuxième sketch, pas mal. Troisième, bien. Et donc là, j'arrive chaud. Le quatrième, j'ai l'impression de. Tu vois, limite, je faisais la bise à Ruquier, tu vois. Et là, mon gars, tu te prends une savate. Et là, pourtant, j'avais écrit un sketch. Tout le monde, la famille, c'est la famille, on parle pas de professionnel. Les copains, genre, disaient, regardez, j'ai écrit ça et tout. Et tout le monde faisait une tronche. T'es sûr? Tu sais, t'es sûr que tu vas faire ça? Je suis pas sûr, je le sens pas, je comprends pas. Et non, non, ça va être super idée, ça va être super. Mais si, c'est drôle. Et t'écoutes personne, en fait. T'y vas et t'en fais qu'à ta tête et je me suis ramassé totalement. C'était incompréhensible, c'était nul à chier. Et ça, t'apprends à écouter aussi les autres. T'apprends que la sagesse, elle est pas que chez les professionnels, elle est chez les gens qui t'aiment. Et donc, tu te fais des alliés comme ça aussi. Moi, les gens qui me relisent, bah, je montre à des gens qui sont de la profession, mais je montre beaucoup à des gens qui sont représentatifs du public et des publics variés. Et ça aussi, apprendre à partager ce que tu fais, apprendre à ce qu'on te dise, non, c'est pas bon, arrête tout de suite. Une fois, deux fois, après, des fois, une personne peut te dire c'est pas bon alors que c'est salé, mais il faut savoir écouter, quoi. S'écouter et écouter les autres. Il y a un moment où ça devient automatique et tu le fais par toi-même. Oui, bien sûr. Bah, le meilleur retour, c'est celui du public au final. Là, c'était évident. Même sur une scène, ça aurait été nul ce que j'ai fait sur Ushiruki. Et là, en plus, c'est un truc que je me mettais à quatre pattes. Et voilà, le public était à 6 mètres de moi avec un jury prêt à buzzer. Et voilà, la pression des je sais pas combien de caméras et tout. Et tu te dis, mais il faut surtout pas faire ça. C'est évident. Mais t'es vite grisé par l'ego, par. Tu t'imagines en fait. En fait, je pense qu'un bide, c'est surtout le choc, c'est surtout l'écart entre ce que tu imagines, et souvent c'est la gloire que tu imagines en fait, au moment où tu écris la blague ou tu l'envisages, et la réalité quoi. C'est ça un bide. Si tu Entre les écris un deux. truc nul ou qui n'est pas censé être drôle, ben, il n'est pas censé être drôle et ça rit pas, ou tu sais que des fois ça va juste être un bon mot, tu vois, ou de l'esprit, et que tu ne vas pas générer du fou rire. Mais quand tu t'attends à générer un fou rire et que tu te vois plus grand que tu es vraiment, et surtout beaucoup plus grand que le truc tout petit que tu fais au moment où tu prends ton vide, bah c'est là que c'est pas cool, quoi. C'est comme quand tu te prends une barre ou une vitre, tu sais trop bien rincer, quoi. C'est inattendu. Donc il y a le choc, mais il y a la surprise surtout, au moment où tu t'y attends pas, quoi. Et donc prendre un bide, c'est s'entretenir dans une espèce de bulle comme ça, que tu fais grandir tout seul, en fait. Et c'est très solitaire comme métier. Enfin, ça peut l'être. Humoriste, tu peux être face à ton ordi, face à ta feuille, face à une projection de toi au moment où tu vas jouer le truc. Et tu te dis, ça va être génial. Ça t'arrive jamais, toi? Si, ça m'arrive souvent et je pense à tous les humoristes. C'est genre, t'écris la blague et tu dis, mais celle-là, c'est Elle une va être pépite. folle. Ouais, et des fois, tu vas jusqu'à la jouer, mais des fois, le lendemain ou 2 heures après, tu reviens, tu fais mal. Et des fois, il n'y a pas ce part de toi qui fait mal. Et moi les ça gens qui font m'arrive mal, c'est le public, du coup. non C'est moi trop moi ça tard. m'arrive ouais voilà c'est ça c'est soit le public qui fait ma moi soit c'est toi mais moi en fait ça m'arrive mais genre si c'est moi qui dois le faire c'est que ça va venir beaucoup plus tard c'est vraiment pour des mois et des mois après je regarde parce que j'ai pas encore joué parce qu'évidemment quand je joue après c'est le public qui décide tu vois Ouais, mais attention. des mois et des mois après je regarde le texte et je dis mais je trouvais ça marrant à l'époque comment j'ai mais genre je comprends pas on dirait que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit et que j'ai envie de dire franchement c'est pas drôle hein. Ouais, généralement, dans ces moments-là, t'as envie de changer de prénom, t'as envie de changer de tout, quoi. T'as envie de changer de style. Tu dis, non, mais je suis une autre personne, c'est pas possible. Non, mais ça y est. Bah, d'ailleurs, je t'ai donné mon prénom, Sofiane, mais bon, je te dirai pas les anciens. C'est ton prénom du moment, c'est ça? C'est ça. En ce moment, je m'appelle Sofiane. C'est ton adresse IP changeante? D'accord. Ça marche. C'est donc toi qui s'est pris un bide l'autre jour. Ça marche, pas de soucis. Mais... oui, voilà, tu peux dire, franchement, l'autre, tu sais, tu peux dire, ouais, Mais l'autre jour, ouais, bien sûr. Mehdi sur scène, il était pas terrible, hein, tu vois. Et Non, en fait, tu non, mais moi je me rappelle de Idir. Donc c'était Idir. C'était toi, ouais. Idir, oui, la blague du péflame, bien sûr. Bah oui, il fallait pas la faire, évidemment. Ah Ah, mais c'est bien de s'en rendre compte avant de monter sur scène. Mais ouais, après, mais des fois après, j'ai l'impression que tu as des surprises dans les deux sens. C'est genre, tu vas écrire une blague, tu vas dire, elle va cartonner, et finalement, c'est un bide. Et des fois, tu dis, tu sais, bon, tu dis pas, j'écris quelque chose de mauvais, mais tu attends. dis, oh, celle-là, je pense qu'elle est, je pense que c'est un petit tremplin, ça va m'amener tranquillement sur une prochaine blague. Ouais, Et et en fait, finalement, elle s'ouvre. celle-là, ben voilà, elle retourne le Ouais. public. Mais parce que inconsciemment, peut-être parce que tu. Alors, non, généralement, il faut donner sa chance à une blague, mais parfois, le fait de la jouer à reculons un peu, tu la joues pas comme si c'était une bonne blague sur laquelle tu as envie d'accord, enfin, sur laquelle tu veux que les gens accordent beaucoup d'attention. C'est-à-dire que tu es là, il y a des blagues, ça se voit quand tu les dis, ça fait un peu nanana, nanana, nanana, chut, maintenant. Et les blagues que tu assumes à moitié, peut-être que tu les vends moins sous cette mélodie de nanana, nanana, nanana, chute. Tu la fais passer comme ça et tu as un rire et tu fais ah, attends, ça rigole, ok, je prends. D'accord. Et après, par contre, non, le danger avec ces blagues, c'est que souvent, tu regardes le souvenir de la surprise de Sahari, alors qu'en fait, ce n'était pas vraiment une bonne blague. Tu la systématises, tu l'automatises en disant bah, elle était bien, Eh je la ouais. blinde. Tu la blindes, tu la rejoues et. Ça marche, oui, mais tu dis non, mais elle était bien hier, c'est juste qu'aujourd'hui le public n'était pas bien. Et petit à petit, elle est là comme un chewing-gum, et c'est la blague que tu retrouves 2 ans après dans ton spectacle, qui t'oblige à jouer un sketch parce qu'il y a cette blague. C'est vrai. Et tu fais pas le deuil. Et il y a un Ah. moment où petit à petit, ce sketch devient un bide et il disparaît comme une vieille feuille morte ou un fruit pourri qui tombe. Oh, Il faut ce sont l'admettre. ouais, ben ce sont de belles images. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a certains moments dans ma vie où mes chaussures étaient remplies de pas mal de chewing-gum, je te cache pas. Ouais, c'est pas grave. Et tu, au Y a, moins, y a... tu achètes de nouvelles Ben, godasses, c'est tout. c'est ça, ouais. J'ai acheté quelques paires de godasses du coup, pour me débarrasser de ce problème, mais c'est vrai que franchement. Il y a des fois, bah en fait, c'est des blagues, c'est un petit peu, tu sais, c'est le fameux kill your darlings, tu vois, genre, Ouais, il faut tuer ses tuer bébés. Voilà, il faut tuer ces bébés. C'est-à-dire, vraiment, tu vas voir la blague, tu dis, mais elle est drôle, pourquoi vous ne l'aimez pas? Et tu as envie de la garder et tout. Et tu espères qu'elle va passer, tu la tentes. Tu sais, genre, le gamin, tu le présentes avec un nouveau costume. Tu sais, genre, vous avez vu, aujourd'hui, il est peigné. Aujourd'hui, il est peigné, tu vois. Le lendemain, vous avez vu, là, il a pas la feuille de salade entre les dents. Donc, peut-être que. Voilà, et malheureusement, des fois, ça passe pas. Quand l'enfant, vraiment, ça passe pas, ça passe pas. Bah, le problème, c'est quand la blague, elle détermine tout un sketch. Quoi. C'est comme quand. Tant que la blague, c'est un petit bibelot au milieu de ton salon, que juste il est moche, c'est pas grave. Mais quand la blague, c'est un mur en placo ou un mur porteur, et que limite, ça fait le titre de ton spectacle. Tu sais, le mauvais jeu de mots, tu te dis même au début, tu te dis, tiens, ça pourrait même mettre le titre de mon spectacle. Tu vois. Et en fait, c'est surtout. Faut surtout pas faire ça, quoi. Déjà, bah, essayer d'être drôle juste dans un titre, je trouve ça très, très, très risqué. Bon, pourquoi pas. Mais souvent, c'est une erreur qu'on fait en disant, tiens, je vais mettre le paquet, miser sur la pérennité de cette blague. Je fais partie de ça, tu vois, parce que mon spectacle avant s'appelait Chauffeur d'abus. Parce que moi, en fait, je suis chauffeur de bus, donc à Bordeaux. Et j'avais j'avais pas de blague là-dessus spécialement sur ce titre-là. Par contre, j'avais un sketch dans lequel je parlais de mon métier et tout. Et ce qui m'a fait changer de titre, c'est quelqu'un qui m'a dit genre en fait j'allais venir et je suis pas venu. Non, c'est plutôt en mode le titre est peut-être mal adapté et il est pas adapté vraiment au spectacle parce que tu ne parles de ton métier de chauffeur de bus que pendant 10 ou 12 minutes quoi, alors que le spectacle c'est une heure ou une heure et demie. Donc j'ai changé, j'avais mis à un moment Sofiane prend le relais. Et puis maintenant j'ai changé par rapport à mon affiche. Mon affiche, c'est une parodie d'une célèbre eau minérale. Et du coup, j'ai mis le titre « Rire entretient la jeunesse de votre corps », tu vois. D'accord, ouais. Voilà. Il ne faut pas que, par contre, la marque change de slogan. J'avoue, bah écoute, j'espère qu'ils auront la classe et le respect de m'appeler avant. Hein, pour, fais gaffe, ils ont changé de PDG il n'y a pas longtemps. Donc, fais juste attention à ça, quoi. Qu'il n'aille pas dire « bah tiens ». J'espère qu'ils ont mon mail. Hein. En tout cas, franchement, par rapport à ça, moi, j'ai essayé d'être logique dans mon affiche. Avant, quand ça collait, tu vois, j'avais le premier titre. Après, j'ai mis le deuxième. Quand j'ai changé d'affiche, j'en ai mis un autre. Si je dois changer encore, voilà. J'ai juste prévenu les gens sur les réseaux sociaux pour pas qu'ils pensent que c'est un nouveau spectacle. Je leur ai dit non, c'est vraiment l'ancien. Ça a évolué, bien sûr, mais c'est juste un nouveau titre. Et puis voilà, l'essentiel, c'est d'être cohérent avec soi-même. Et puis, Dieu merci, rien n'empêche de faire des erreurs, de se tromper sur un titre. Ça fait partie du chemin, c'est-à-dire qu'après on rigole et puis ça. Je pense qu'il faut les faire et puis on est pas à l'abri d'en refaire d'autres. Enfin, d'ailleurs, on n'a pas, pas parce que ça fait 10 ans que je fais ce métier que j'ai la science infuse, hein. Loin s'en faut, mais c'est pas grave, on tâtonne. Mais c'est vrai qu'avec le recul, c'est toujours marrant de voir comment tu tâtonnais à l'époque et sûrement on rigolera de la manière dont on tâtonne aujourd'hui. Enfin, on bricole, hein, exactement. Bah, écoute, n'est pas Thomas Pesquet, quoi. Ah non, non, lui, non, il bricole peut-être moins, quoi. Je pense que. Ah, je sais pas, ça doit se marrer dans la fusée quand même, je pense. Ouais, ça doit se marrer, mais avant de se marrer, ils ont fait quelques vérifications, je pense. Oui, c'est sûr que. Vérifier que la clim fonctionnait, que. Ouais, surtout la clim, c'est le plus important. Ouais, la clim, puis le joint de culasse aussi. Essentiel, quoi. T'inquiète pas, Peugeot est sur le coup, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais en tout cas, on continuera à tâtonner, on continuera à galérer. Et c'était vraiment un plaisir de te recevoir dans le podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Sur LinkedIn, parce que je l'assume maintenant. Tu vois. Je suis sur Insta, Facebook, de moins en moins, mais j'y suis. D'accord, Twitter. Twitter, un tout petit peu. Non, vraiment, là où je suis le plus, c'est LinkedIn et YouTube, où j'ai mes vidéos. Ouais. Et si vous voulez, pour tous les gens qui n'ont pas vu les vidéos, parce qu'on a les vues, mais il y a aussi les pas vues. Et en nombre de pas vues, je défonce les Norman, les Cypriens, tout ça. Et bien sûr. Donc voilà, moi je suis dans les pontes des gens pas vus, donc si vous voulez voir mes vidéos et voir toutes celles que vous avez ratées, parce que sur les réseaux sociaux elles vivent 3 jours et puis après elles disparaissent, et c'est pas toi qui décide ni les gens, c'est l'algorithme. C'est vrai. Et vous retrouvez sur les réseaux sociaux, et puis sinon je serai sur scène le 18 décembre à la Bourse du Travail à Lyon. Voilà, c'est une sorte de dernière, mais qui sera pas du tout une dernière, parce qu'avec les reports Covid, y a plein de dates derrière, donc je vais jouer dans une 1800 places, et après je vais jouer dans des cafés-théâtres. Ça n'a aucun sens. Tu es le Benjamin Button de l'humour. C'est ça. C'est très bien résumé. C'est ça. T'as un truc avec les bébés et tout, toi. Avant de devenir bébé et tout. Hey, j'en ai 3 à la maison. T'as des enfants, toi, ou pas ? Ouais, j'ai 2 enfants, dont un bébé. Voilà. Ouais. Eh ben donc tu vois, ben déjà félicitations et puis ben, tu vois moi j'ai 3 enfants donc des bébés il y en a à la maison et puis quelque part je pense que tu vois moi quand les gens disent à ma femme tu vois qu'elle a donc qu'elle a trois genre qu'elle a que des hommes et elle a 3 enfants et un mari très souvent les gens rajoutent genre le mari c'est le 4e enfant quoi. Ouais, c'est pas ce que tu penses parce que non parce que le vrai mari il est tout il est gosse bah, c'est sûr que on fait un truc de gosse hein, Ah oui, on vit un rêve de gosse quelque part. Enfin, après, je ne sais pas pourquoi, mais moi, c'était pas du tout quelque chose à quoi je pensais. Ça m'est venu vraiment sur le tard, mais ça reste un rêve de gosse et c'est un plaisir de pouvoir le faire. Et on a hâte de retrouver les gens pour ces bons moments sur scène, quoi. En tout cas, merci beaucoup. Donc, je mettrai tous les liens dans la description. Et pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Etahi, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.